50 languages. 65. 65. 65. النفي 2. Négation 2. Négation 2. هل الخاتم غالي الثمن؟ Est-ce que la bague est chère? Est-ce que la bague est chère? لا ثمنه 100 يورو فقط. Non, elle ne coûte que 100 euros. Non, elle ne coûte que 100 euros. ولكن لا أحمل سوى 50. Mais j'en ai seulement 50. Mais j'en ai seulement 50. هل أنت جاهز؟ As-tu déjà terminé? As-tu déjà terminé? لا ليس بعد. Non, pas encore. Non, pas encore. ولكن قريبا أكون جاهزا. Mais j'aurai bientôt fini. Mais j'aurai bientôt fini. أتريد مزيدا من الحساء؟ Veux-tu encore de la soupe? Veux-tu encore de la soupe? La, la أريد أكثر. Non, je n'en veux plus. Non, je n'en veux plus. ولكن المزيد من البوظة. Mais encore une glace. Mais encore une glace. أتسكن من زمن بعيد هنا؟ Habites-tu depuis longtemps ici? Habites-tu depuis longtemps ici? Là, منذ شهر فقط. Non, juste un mois. Non, juste un mois. ولكن تعرفت على الكثيرين. Mais je connais déjà beaucoup de personnes. Mais je connais déjà beaucoup de personnes. هل ستسافر غدا إلى ديارك؟ Vas-tu à la maison demain؟ Vas-tu à la maison demain؟ لا, ليس قبل نهاية الأسبوع. Non, seulement en week-end. Non, seulement en week-end. ولكن سأعود يوم الأحد. Mais je rentre déjà dimanche. Mais je rentre déjà dimanche. هل بلغت ابنتك سن الرشد؟ Est-ce que ta fille est déjà une adulte? Est-ce que ta fille est déjà une adulte? لا, بلغت الآن السابعة عشرة. Non, elle a seulement 17 ans. Non, elle a seulement 17 ans. ومع ذلك أصبح لها صديق. Mais elle a déjà un petit ami. Mais elle a déjà un petit ami.